Chapitre 67e, le père Clovis et la père Clovise, ou comment Pitou devint tacticien et eut l'air noble. Pitou courut ainsi pendant une demi-heure à peu près, s'enfonçant de plus en plus dans la partie la plus sauvage et la plus profonde de la forêt. Il y avait là, parmi ses hautes futaies, trois fois séculaires, adossées à un rocher immense et au milieu de ronciers formidables, une cabane bâtie 35 ou 40 ans auparavant, et qui renformait un personnage qui avait su, dans son propre intérêt, s'entourer d'un certain mystère. Cette cabane, moitié creusée dans la terre, moitié tressée au dehors avec des branchages et du bois grumeux, ne prenait de jour et d'air que par un trou obliquement pratiqué dans la toiture. Cette cabane, assez semblable aux huttes des bohémiens de l'Albessin, se trahissait parfois au regard par les fumées bleues qui s'échappaient de son faîte. Autrement, nul, excepté les gardes de la forêt, les chasseurs, les braconniers et les paysans des environs, n'eût deviné que cette hutte servait de demeure à un homme. Et cependant, là, depuis 40 ans, demeurait un vieux garde mis à la retraite, mais à qui M. le duc d'Orléans, père de Louis-Philippe, avait accordé la permission de demeurer dans la forêt, de garder un habit et de faire un coup de fusil tous les jours sur lièvre ou lapin. La plume et la grosse bête étaient exceptées. Le bonhomme avait, à l'époque où nous sommes arrivés, 69 ans. Il s'était d'abord appelé Clovis, tout simplement, puis le père Clovis au fur et à mesure que l'âge l'avait gagné. De son nom, l'immense rocher auquel sa hutte était adossée avait reçu son baptême, on l'appelait la pierre Clovis. Il avait été blessé à Fontenoy, et à la suite de cette blessure, il avait fallu lui couper la jambe. Voilà pourquoi, retraité de bonne heure, il avait obtenu du duc d'Orléans les privilèges dont nous venons de parler. Le père Clovis n'entrait jamais dans les villes et ne venait qu'une fois par an à Villers-Cotterêts. C'était pour acheter 365 charges de poudre et de plomb, 366 dans les années bissextiles. Ce même jour-là, il portait chez M. Cornu, chapelier, rue de Soissons, 365 ou 366 pots, mi-partie de lapin, mi-partie de lièvre, dont le négociant en chapeau lui donnait 75 livres tournois. Et quand nous disons 365 pots dans les années ordinaires et 366 dans les années bissextiles, nous ne nous trompons pas d'une seule, car le père Clovis, ayant droit à un coup de fusil par jour, s'était arrangé de manière à tuer un lièvre ou un lapin à chaque coup. Et comme il ne tirait jamais un coup de plus, jamais un coup de moins que les 365 coups accordés dans les années ordinaires, et les 366 accordés dans les années bissextiles, le père Clovis tuait juste 183 lièvres et 182 lapins dans les années ordinaires, et 183 lièvres et 183 lapins dans les années bissextiles. De la chair des animaux il vivait, soit qu'il mangeât cette chair, soit qu'il la vendît. De la peau, comme nous l'avons dit, il s'achetait de la poudre et du plomb et se faisait un capital. Puis, en outre, une fois par an, le père Clovis se livrait à une petite spéculation. La pierre à laquelle était adossée sa hutte offrait une place inclinée comme un toit. Ce plan incliné pouvait présenter un espace de 18 pieds dans sa plus grande surface. Un objet placé à l'extrémité supérieure descendait doucement jusqu'à l'extrémité inférieure. Le père Clovis répandit doucement dans les villages environnants, par l'intermédiaire des bonnes femmes qui venaient acheter ses lièvres ou ses lapins, que les jeunes filles qui, le jour de la Saint-Louis, se laisseraient glisser trois fois du haut en bas de sa pierre, se remarier dans l'année. La première année, beaucoup de jeunes filles vinrent, mais pas une n'osa glisser. L'année suivante, trois se hasardèrent. Deux furent mariées dans l'année. Quant à la troisième, qui resta fille, le père Clovis affirma hardiment que si un mari lui avait manqué, c'est qu'elle ne s'était pas laissée glisser avec la même foi que les autres. L'année d'ensuite, toutes les jeunes filles des environs accoururent et glissèrent. Le père Clovis déclara qu'il n'y aurait jamais assez de garçons pour tant de filles, que cependant un tiers des glisseuses, et ce seraient les plus croyantes, se marieraient. Bon nombre, en effet, se maria. À partir de ce moment, la réputation matrimoniale de la pierre Clovis fut établie, et tous les ans, Saint-Louis eut une double fête, fête dans la ville, fête dans la forêt. Alors le père Clovis demanda un privilège. Comme on ne pouvait pas glisser toute la journée sans manger et sans boire, ce fut d'avoir le monopole, pendant cette journée du 25 août, de vendre à boire et à manger aux glisseurs et aux glisseuses, car les jeunes gens étaient parvenus à persuader aux jeunes filles que pour que la vertu du rocher fût infaillible, il fallait glisser ensemble et surtout en même temps. Depuis 35 ans, le père Clovis vivait ainsi. le pays le traitait comme les Arabes traitaient leurs marabouts. Il était passé à l'état de légende. Mais surtout, ce qui préoccupait les chasseurs et faisait crever les gardes de jalousie, c'est qu'il était avéré que le père Clouis ne tirait par an que 365 coups de fusil et que sur ces 365 coups, il tuait 183 lièvres et 182 lapins. Plus d'une fois, des seigneurs de Paris invités par le duc d'Orléans à venir passer quelques jours au château, ayant entendu raconter l'histoire du père Clouis, étaient venus, selon leur générosité, déposer un louis ou un écu dans sa grosse main. Ils avaient essayé de surprendre ce secret bizarre d'un homme qui tue 365 fois sur 365 coups. Mais le père Clouis n'avait pas su leur donner d'autre explication que celle-ci, c'est-à-dire qu'à l'armée, il avait pris avec ce même fusil, chargé à balles, l'habitude de tuer un homme à chaque coup. Or, ce qu'il avait fait à balles sur un homme, il avait trouvé que c'était encore plus facile à faire à plomb sur un lapin ou sur un lièvre. Et à ceux qui souriaient en l'entendant parler ainsi, le père Clouis demandait « Pourquoi tirez-vous si vous n'êtes pas sûr de toucher ?» Mot qui eût été digne de figurer parmi ceux de M. de la Palice si ce n'eût été la singulière infaillibilité du tireur. Mais, lui demandait-on, pourquoi M. le duc d'Orléans père, qui n'était point ladre, ne vous a-t-il accordé qu'un coup de fusil à tirer par jour ? Parce qu'au plus eût été trop et qu'il me connaissait bien. La curiosité de ce spectacle et la singularité de cette théorie rapportaient, bon an mal an, une dizaine de louis au vieil anachorète. Or, comme il en gagnait autant avec ses peaux de lapin et le jour de fête qu'il avait institué lui-même, et qu'il ne dépensait qu'une paire de guêtres, ou plutôt qu'une guêtre tous les 5 ans et un habit tous les 10, le père Clouis n'était pas du tout malheureux. Bien au contraire, le bruit courait qu'il avait un magot caché et que celui qui hériterait de lui ne ferait pas une mauvaise affaire. Tel est le singulier personnage que Pitou allait trouver au milieu de la nuit lorsque lui vint cette fameuse idée qui devait le tirer de son embarras mortel. Mais pour rencontrer le père Clouis, il ne fallait pas être maladroit. Tel que le vieux pasteur des troupeaux de Neptune, Clouis ne se laissait pas saisir du premier bond. Il distinguait à merveille l'important improductif du flâneur opulent, et comme il était déjà passablement dédaigneux avec ces derniers, que l'on juge de la férocité avec laquelle il expulsait la première classe de fâcheux. Clouis s'était couché sur son lit de bruyère, lit merveilleux et aromatique que lui donnait la forêt au mois de septembre et qui n'avait besoin d'être renouvelé qu'au mois de septembre suivant. Il était 11 heures du soir environ. Il faisait un temps clair et frais. Pour arriver à la cabane du père Clouis, il fallait débusquer forcément d'une glandée tellement épaisse ou d'un roncier tellement opaque que le bruit des déchirements annonçait toujours le visiteur au cénobite. Pitou fit 4 fois plus de bruit qu'un simple personnage. Le père Clouis leva la tête et regarda car il ne dormait point. Le père Clouis était ce jour-là d'une humeur farouche. Un accident terrible lui était arrivé. Il rendait inaccessible à ses plus affables concitoyens. L'accident était terrible, en effet. Son fusil, qui lui avait servi 5 ans à balles et 35 ans à plomb, avait crevé en tirant sur un lapin. C'était le premier qui lui manquait depuis 35 ans. Mais le lapin sain et sauf n'était point le pire désagrément qui fût arrivé au père Clouis. 2 doigts de sa main gauche avaient été effiloqués par l'explosion. Clouis avait raccommodé ses doigts avec des herbes mâchées et des ficelles, mais il n'avait pas pu raccommoder son fusil. Or, pour se procurer un autre fusil, il fallait que le père Clouis fouillât son trésor et encore, quelques sacrifices qu'il fît pour un nouveau, imitât-il la somme exorbitante de 2 louis. Qui sait si ce fusil tuerait à tous les coups comme celui qui venait d'éclater si malheureusement? Comme on le voit, Pitou arrivait dans un mauvais moment. Aussi, au moment où Pitou mit la main sur le loquet de la porte, le père Clouis fit entendre un grognement qui fit reculer le commandant des gardes civiques d'Aramon. Était-ce un loup? Était-ce une Angésine qui s'était substituée au père Clouis? Aussi Pitou, qui avait lu le petit chaperon rouge, hésita-t-il à entrer. Hey, « Hé, père Clouis » cria-t-il. « Quoi ?» fit le misanthrope. Pitou fut rassuré. Il avait reconnu la voix du digne anachorète. « Bon, vous y êtes » dit-il. Puis, faisant un pas dans l'intérieur de la hutte et tirant la révérence à son propriétaire, « Bonjour, père Clouis !» dit gracieusement Pitou. « Qui va là ?» demanda le blessé. « Moi. Qui, toi ? Moi, Pitou. Qui ça, Pitou ? Moi, Anchepitou d'Aramon, vous savez. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait à moi que vous soyez Anchepitou d'Aramon ? Oh, il n'est pas de bonne humeur, le père Clovis. Je l'ai mal réveillé, dit Pitou en câlinant. Très mal réveillé, vous avez raison. Que faut-il donc que je fasse alors ? Oh, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous en aller. Eh, da, sans causer un peu. Causer de quoi ? D'un service à me rendre, père Clovis. Je ne rends pas de service pour rien. Et moi, je paye ceux qu'on me rend. C'est possible, mais moi, je n'en puis plus rendre. Comment cela ? Je ne tue plus. Comment vous ne tuez plus ? Vous qui tuiez à tout coup. Ce n'est pas possible, ça, père Clovis. Allez-vous-en, vous dis-je. Mon petit père Clovis, vous m'ennuyez. Écoutez-moi, et vous ne vous en repentirez pas. Voyons alors, pas de mots. Que voulez-vous ? Vous êtes un vieux soldat, vous. Après ? Eh bien, père Clovis, je veux... Achève donc, drôle ! Je veux que vous m'appreniez l'exercice. Êtes-vous braque ? Non. J'ai toute ma cervelle, au contraire. Apprenez-moi l'exercice, père Clovis, et nous causerons du prix. Ah, ça, mais décidément, cet animal-là est fou, dit rudement le vieux soldat en se soulevant sur ses bruyères sèches. Père Clovis, oui ou non, apprenez-moi l'exercice comme on le fait à l'armée en 12 temps, et demandez-moi telle chose qu'il vous plaira. Le vieux se dressa sur un genou et fixant son œil fauve sur Pitou. La chose qui me plaira ? Demanda-t-il. Oui. Eh bien, la chose qui me plaît, c'est un fusil. Ah, comme ça tombe bien, dit Pitou. J'ai 34 fusils. Tu as 34 fusils, toi ? Et même le 34e, que j'avais mis pour moi, fera bien votre affaire. C'est un joli fusil de sergent avec les armes du roi en or sur la culasse. Et comment t'es-tu procuré ce fusil ? Tu ne l'as pas volé, j'espère ? Pitou lui conta son histoire, franchement, loyalement, vivement. Bon, fit le vieux garde, je comprends. Je veux bien t'apprendre l'exercice. Mais j'ai mal aux doigts. Et à son tour, il raconte à Pitou l'accident qui lui était arrivé. Eh bien, lui dit Pitou, ne vous occupez plus de votre fusil, il est remplacé. Dame, il n'y a que vos doigts, ce n'est pas comme des fusils, je n'en ai pas 34. Oh, quant aux doigts, ce n'est rien. Et pourvu que tu me promettes que demain le fusil sera ici, viens. Il se leva aussitôt. La lune au zénith versait des torrents de flammes blanches sur l'espèce de clairière qui s'étendait en avant de la maison. Pitou et le père Clovis s'avancèrent sur cette clairière. Quiconque eût vu dans cette solitude ces deux ombres noires gesticuler sur l'air grisâtre n'eût pu se défendre d'une mystérieuse terreur. Le père Clovis prit son tronçon de fusil qu'il montra en soupirant à Pitou. Et d'abord il lui montra la tenue et le port du militaire. C'était du reste, chose curieuse, que le redressement subit de ce grand vieillard, toujours voûté par l'habitude de passer dans les taillis, et qui, ravivé par le souvenir du régiment et l'aiguillon de l'exercice, secouait sa tête à crinière blanche, au-dessus d'épaules sèches, larges et solidement attachées. « Regarde bien, » disait-il à Pitou, « regarde bien. C'est en regardant qu'on apprend. Quand tu auras bien vu comme je fais, essaye et je te regarderai à mon tour. » Pitou essaya. Rentre tes genoux, efface tes épaules, donne un jeu libre à ta tête. Fais-toi une base, morbleu, fais-toi une base, tes pieds sont assez larges pour cela. Et Pitou obéissait de son mieux. Bien, fit le vieillard, tu as l'air assez noble. Pitou fut extrêmement flatté d'avoir l'air noble, il n'avait pas espéré tant. Avoir l'air noble, en effet, après 1 heure seulement d'exercice, que serait-ce donc au bout d'un mois ? Il aurait l'air majestueux. Aussi voulut-il continuer, mais c'était assez pour une leçon. D'ailleurs, le père Clovis ne voulait pas trop s'avancer avant de tenir son fusil. « Non pas, dit-il, c'est assez pour une fois. Tu n'as que cela à leur montrer pour la première leçon. Encore ne le sauront-ils pas avant 4 jours. Toi, pendant ce temps, tu seras venu ici 2 fois. 4 fois !» s'écria Pitou. « Hein !» répondit froidement le père Clovis. « Tu as du zèle et des jambes, à ce qu'il paraît. 4 fois, soit, bien 4 fois. » « Je t'avertis que nous sommes à la fin du dernier quartier de la lune et que demain il n'y fera plus clair. »« Nous ferons l'exercice dans la grotte, » dit Pitou. « Alors tu apporteras de la chandelle ?»« 1 livre, 2, s'il le faut. »« Bon, et mon fusil, vous l'aurez demain. »« J'y compte. »« Voyons si tu as retenu ce que je t'ai dit. » Pitou recommença de façon à s'attirer des compliments. Dans sa joie, il lui promit un canon au père Clovis. Cette seconde séance achevée, comme il était 1 heure du matin à peu près, il prit congé de son instructeur et regagna plus lentement, c'est vrai, mais d'un pas encore très tendu, le village d'Aramon, où tout le monde, gardes nationaux et simples bergers, dormait du sommeil le plus profond. Pitou rêva qu'il commandait en chef une armée de plusieurs millions d'hommes et qu'il faisait faire à l'univers tout entier, rangé sur une seule file, le mouvement du pas emboîté et un porte-armes qui aboutirait à l'extrémité de la vallée de Josaphat. Dès le lendemain, il donna, ou plutôt rendit, sa leçon à ses soldats, avec une insolence de pose et une sûreté de démonstration qui poussèrent jusqu'à l'impossible la faveur dont il jouissait. Ô popularité, souffle insaisissable! Pitou devint populaire et fut admiré des hommes, des enfants et des vieillards. Les femmes même restèrent sérieuses lorsque leur présence, il criait d'une voix de stentor à ses 30 soldats rangés sur une seule ligne : « Cordieu, soyez donc noble, regardez-moi !» Et il était noble.